Patiente un peu pour moi, patiente si tu crois en moi, journée lente défile pas à pas, et moi j'y pense à chacun. Patiente pour moi, et quand y pense, repose les choix, bout à bout, mon évidence. Patiente comme si toi, tu devais saisir ta chance, reprends le combat, qu'on se mêle à cette danse. Patiente un peu pour moi, patiente pour être auprès de moi, vie de souffrance et de vide sans toi, une présence, un manque auprès de soi. Patiente pour moi, et quand y pense, repose les choix.